Activité 31. 1. Votre rendez-vous est lundi avec Monsieur Denis. Il vous attend à 3h40. 2. Allô, c'est Madame Leblanc. Il est 10h moins le quart. Je vous attends pour votre entretien. Merci. 3. La réunion n'est plus à 13h. Le directeur demande à faire la réunion à 5h30. Merci.